rentré chez moi, je savoure mais toute ma vie j'ai fait tourner. Parler avec des potes donnés. Ils font pas beaucoup quand je suis mal. Par contre, ils sont tarpins quand je suis bien. Je vois pas d'eau, je suis à l'oasis tropicale. On se parle pas, mais je sais qu'il y a rien. Je zone, je perds mon temps. J'ai rien, je vois tout, j'entends. Maintenant, chacun son camp. Je zone, je perds mon temps. J'ai rien, je vois tout, j'entends. Maintenant, chacun son camp. Mec bien, à quoi je sers? Tu mets la haine, y'a de quoi je sers. Sinon à part ça, tu dis quoi le sang? Tu vas pas bien, ça se voit, je le sens. J'en en claquette, je les emmerde à tous. J'ai une piscine, je préfère moi la douche. Dis-moi tout, ça reste entre nous. Tu la sentes, l'ita, tu es la cause. Je perds mon temps, j'ai rien, je vois tout, j'entends. Maintenant chacun son temps. Je zone, je perds mon temps, j'ai rien, je vois tout, j'entends. Maintenant chacun son temps. C'est magique, tout, tout, tout, c'est magique. C'est magique. J'évite les BDA, je préfère le sang. J'évite les folles, je préfère le son. T'es mon pote, pourquoi tu veux me tacler? Après tu pleures quand tu prends des taquets. Marseille c'est chaud, c'est comme mafiosa. Les gars disent rouler, Teresa Mendoza. Parle pas de prix, gros, tu sens le dossard. J'ai juré sur papy brossard. Je zone, je perds mon temps. J'dis rien, j'vois tout, j'entends. Maintenant chacun son camp. Je zone, je perds mon temps. J'dis rien, j'vois tout, j'entends. Maintenant chacun son camp. C'est magique, tout, tout, tout, c'est magique. C'est magique. Arrête de dire sur moi des choses sales. Tu vas finir dans l'hélico à Sosa. Ils ont voulu me la faire à l'envers. Mais j'm'en fous d'eux, ils valent pas un verre. Dis-moi que je suis parano, que je suis pas vrai, que je me prends pour un autre. Et toute leur vie ils m'ont critiqué.